Le podcast du mariage de Jeanne et Marie. Le 12 mars 2021, Marie m'annonce qu'elle n'assistera pas à l'événement que j'organisais. Mais je pense que demain tout va bien se caler. Ne t'en fais pas, je récupérerai le bébé et mon tote bag. Et je suis sûre que tout va bien se caler, t'en fais pas. Le bébé, c'était moi. Je dormais chez Marie le lendemain. Et on était loin de se douter que derrière ce message se cachait le début d'une grande histoire d'amour qui allait me mener à devenir le témoin de Marie à leur mariage. Car c'était avec Jeanne qu'elle avait rendez-vous. C'est la suite de cette histoire que nous allons vous raconter. Un, deux. On sent l'aboutissement de tant de semaines de travail, de réflexion sur cette journée. Moi je crois que je me perds dans leur doc. Qu'est-ce que t'appelles doc de prépa? Il y a quoi dedans? Si jamais Rémi a un pépin, on peut agir. Ah, c'est bon, je l'ai. Non, putain, c'est pas la bonne. Je vais être là à enregistrer des choses qui m'ont du mariage, du la cérémonie à l'église. Pas l'église. Comme vous pouvez l'entendre, c'est en équipe de choc que tout a été planifié. Et là, c'est le moment où tout est devenu concret. Nous sommes le 7 mars 2025 et les premiers convois étaient en chemin. Et c'est parti ! Salut le podcast, on est en route avec Rémi, Jeanne Bis et moi-même. En route vers le mariage de Marie et Jeanne, en route vers l'amour j'ai envie de dire. Alors carnet de route, c'est Mathilde. On a une mission zéro goutte dispersée dans l'arrière du camion parce que les fleurs sont toutes dans des seaux pleins d'eau. On sera donc dans 7 minutes si la mission a été menée à bien. Bon, allez, à tout à l'heure. À tout. Minette, tu vas où? Ah, bah, il y en a un là et il y en a encore un, je crois, non? De chevalet. Du coup, bah, je vais faire mon speech de début. Tu vas sentir quand j'ai fini et que tu peux lancer la musique pour l'entrée. On se regarde et je te fais un petit OK. Bonjour, je m'appelle Gabriel, je suis le neveu de ma tati Marie et elle nous a missionné pour lui apporter ses alliances avec ma sœur. On va apporter une petite boîte où il y aura des bagues et on va les donner. Est-ce que vous êtes prêts à faire ? Demain, les célébrations commenceront par la cérémonie à la mairie qui aura lieu à 14h, départ exigé à 13h15. C'est tout pour moi, bonne soirée! Vous avez vu ce qui est arrivé à Marie? Ah ouais, bah non, oui. C'est pas incroyable. Ouais, c'est clair, en montant mes escaliers, une chute bidon. Ah ouais. J'ai coincé les doigts et... T'as un peu mal, ça va. Du petit doigt. Non, ça va. Donc t'es contente de ta journée? Bah ouais, grave, ça s'est super bien passé. Franchement, on a eu de l'aide de ouf. Beaucoup d'émotions, j'imagine. Ce serait encore pire demain, ouais. Ouais, moi, la répétition de la cérémonie laïque m'a mis un petit coup de stress, j'avoue. Tu vois, le nombre de bancs vides en se disant que ces bancs allaient se remplir. Bah, moi, je suis quand même excitée, hein. Plus qu'un dodo. Et demain, c'est le grand jour, donc ouais, grave chaud. On a bien travaillé aujourd'hui. Les enfants sont couchés. Usés, excités. On va recharger les batteries et puis prêt pour demain. Quand je me suis couchée ce soir-là, j'étais à la fois nostalgique en voyant toute notre vie d'enfance défiler, et puis à la fois euphorique de voir toutes les nouvelles personnes qui vous entouraient, Jeanne et toi. Et vraiment, j'avais hâte d'être le lendemain et je sentais que le mariage allait être super génial, avec une super ambiance et un super beau temps dans ce lieu magnifique. Et après une courte nuit pour beaucoup... Ah bon? Merde! Ah non! Oh, c'est aujourd'hui, il faudrait que tu te dépêches quand même. Ok, bah j'attends, Marie, elle est au maquillage là. Tu t'es fait les ongles et tout? Eh bien évidemment, André. Bah oui. Tout à fait mon style. Allez, bon petit déj. Ce matin, on s'est réveillé, on était là. Oh, ça y est! Et le temps, il est dingue. Ouais. Ouais, on a trop de chance. Jeanne, elle peut y aller, je sais pas où elle est. Elle est pile poil. Wow, t'es belle. Merci. Je veux pas que j'oublie de mettre du déo. On l'avait oublié. C'est prêt ou pas du coup? Ah non, on est encore en train de se faire. Ah, dommage, je fais les cheveux. Vous avez hâte de vous voir, j'imagine. Bah ouais, quand même. C'est du marron clair. Hein. Ok. J'avais pensé de l'escalier la dernière fois, elle fait « Oh, tu crois ?» Mais genre, il y en a une en haut, une en bas. Bah ouais, je pense. Ouais. Moi, je veux bien l'attendre en bas. Vous avez chacune un bouquet, du coup ? Ouais. Peut-être deux fois plus de chance de l'attraper. C'est là, les bouquets ? C'est ceux-là ? Quelle aventure, Elliot, je te jure. Merci mille fois pour le café. Merci. Tiens, chouette. C'est quoi, c'est Marie ? Ok. Wow. Tu viens voir le week-end ? Tu fais longtemps. Tu peux pas mettre de rouge à lèvres de fleurs. Rouge à lèvres. Wow. C'est qui ? C'est qui ? C'est son amante. Ah non, c'est le. Non, bouquet. C'est le bouquet. Je croyais que quelqu'un avait. J'avais. Ah, hop. Oui. Voilà, parfait. Allez, je vous laisse. Et j'attends les. Ah bah, vous pouvez bouger, hein. Allez, je vous laisse. Merci. Bonne journée. Allez. Ah, oh, je rentre plus de temps. Parmi les talents qui ont été réunis pour le mariage, Roman a joué un rôle crucial en confectionnant leur tenue. Ouais, je vais rigoler, ouais. T'as pas un piste de boue ? Parce qu'en vrai, ça serait pratique avec le pantalon. Parce que c'est un peu le principe. Hein. Non, mais moi, je me connais, je suis pas dégueulasse. Roman, raconte-nous tout. Les prises de mesure, je crois que c'était au mois de juillet. Et après, le temps de faire les bases. Et puis bah après, de commencer les transformations pour par rapport à leurs différentes inspirations. Les essayages. Le plus dur finalement c'était de trouver le tissu, qu'il arrive, et après le préparer, couper, et puis bah, tout monter en une semaine. Quand elles sont venues essayer il y a 2 semaines leur tenue, parce que je pouvais pas les livrer comme ça, et que bah, surprise le jour du mariage, donc je voulais être sûr que tout aille bien. Et du coup, c'est Jeanne qui a dit j'ai envie de montrer à Marie, mais je peux pas, je dois attendre. Bon, c'était trop mignon. Coucou! Belle! Ça fait un merci bon petit cul, dis donc! Ouais, j'avais, grave! Je me fais mater ici! Bon, bah, je vous laisse, je m'occupe de ta petite femme. C'est calme, là, j'ai déjà, on va mettre le pantalon. Ouais. On mettra les chaussures, mais pareil, tu restes debout. Ok. Trop bien. Merci. Juliette. Juliette. Où est Juliette? Où sont nos Juliette? Bientôt prête. Bientôt prête. Encore un petit peu de patience. Il faut que ça reste un petit peu secret. Hein. Je suis là. Ça y est, elles se sont vues. Et qu'est-ce qu'elles sont belles. Et en direct de la route de la mairie, j'aimerais vous faire profiter de la playlist de Cyril. Des gestes en douceur, lentement, dirigés sensualité. Est-ce que quelqu'un va klaxonner genre... Oh, ça fait chaud au cœur. C'est ce que tu nous as sorti à un camp de Noël. C'était une boulangère, je sais pas quoi. Tu disais ça fait chaud au cœur. Et ben, tu vois aujourd'hui Marie. Ben, ça fait chaud au cœur d'être à ton mariage. Des gros bisous. She's the rhythm of the night. Online. Oh yeah. Est-ce que vous êtes toujours prête à dire oui? Oui. Entraînez-vous, peut-être dites déjà quelques oui maintenant. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, Ça va, tu viens d'arriver? Ouais, elle est pas trop longue, un petit peu de temps. Ouais, ouais, je comprends. J'ai mis une culotte. Vas-y, encore quelques chaises. Hein. Alors, hormis ces deux-là, hein, vous oui, comprendrez bien pourquoi. Oui, ces deux-là, ça, c'est... Bien d'accord. Vous êtes là pourquoi? Ne manquerait-il pas deux personnes? Alors, ce que je vous propose, c'est que vous vous leviez et que vous les appeliez très fort. Bienvenue à la famille de Marie, bienvenue à la famille de Jeanne, bienvenue aux amis, respectifs des parents, mais des mariés, je vois nombreux. Je vais laisser la parole à Michel pour un petit mot. Juste un petit mot fort simple. Hein. David m'avait demandé, parce qu'il est très ému aujourd'hui, il dit, il faut que tu viennes me donner un coup de main, j'y arriverai pas tout seul. Bon. Je me suis dit, je vais faire un petit sacrifice, ou bien que j'accompagne aussi Marie, qui entre autres est ma fille, donc voilà. J'irai pas plus loin dans mes discours parce que je sais être très long sans quoi, et finalement on n'est pas venu pour moi. David, je te rends la parole et à toi d'officier. Bien, écoutez, bienvenue à Salpêtrière, hein, Jeanne, on va dire l'essentiel de ton adolescence que tu as vécu ici, puisque tu y as passé 17 ans. Région qu'elle ne voulait pas quitter. Marie, Odile, Germaine, Thérèse, Lalice. Alors, je vais me permettre le tutoiement. Consens-tu à prendre pour épouse Jeanne Pascal Bénédicte de Cove-Macaire, ici présente? Oui. Jeanne Pascal Bénédicte de Cove-Macaire, consens-tu à prendre pour épouse Marie, Odile, Germaine, Thérèse, Lalice, ici présente? Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Elles ont déclaré l'une et l'autre vouloir se prendre pour épouse, et nous avons prononcé au nom de la loi qu'elles sont unies par le mariage. C'est là que les témoins se disent, mais nous on sert à quoi? C'est là qu'on le décline. En présence de Sarah Marion Dufossé, directrice de production domiciliée à Fauré, en Belgique, de Marco de Boscre, mécanicienne cycle domiciliée à Ligne Nord. C'est bien ça. De Paul Parent, là, c'est plus facile, artiste, domicilié 19e arrondissement de Paris. Et d'Eugénie Carlier, architecte, domicilié à La Rochelle, Charente-Maritime. Et donc, c'est vous la quatrième, je ne me trompe pas, c'est donc vous. Lecture faite et invité à lire l'acte, les épouses et les témoins ont signé avec nous David de Cove-Macaire, adjoint au maire de Salpêtrière, officier de l'état civil. À vous de paraffer. Bon, laissez-nous de la place, hein, parce que les sacrées signatures. Hein. Oui, oui, oui. On en a pour ses sous. Donc je vous remets les certificats et actes qui sont signés, le livret de famille. Alors, tu pourras l'ajouter avec une feuille annexe peut-être. Encore quelques applaudissements, ça vous dit? Et un petit mot là de la coccinelle? Bah elle est trop tut, belle tut, tut. Retour au domaine de la Traxène pour la cérémonie laïque. Alors, hein, qu'est-ce que ça t'a fait de conduire les mariés? Ah, j'étais trop contente. Ouais. Alors, je me suis entraînée deux fois. Il y a 15 jours, une fois où ça a été nickel. On l'a refait cette semaine où ça a été un peu moins bien. Okay. Mais c'est pas grave. Je me suis dit, aujourd'hui, ça va le faire. C'était cool. Il y a même un moment, je voulais taper un coup de klaxon et en fait, j'ai appuyé sur l'essuie-glace. Donc, hop, éclaboussure. J'ai dit, c'est pas grave. C'est les fleurs qui sont éclaboussées. Elles sont, voilà, nickel. Mais elles étaient belles. J'adore. Comme tout. Non, franchement, c'était cool. Et en direct du dortoir de la Babe, nous assistons au premier pas de la petite Ella. Qu'est-ce que tu as à dire pour le mariage de Marie et Jeanne? Oh, voilà, c'est ce que nous aurons dès là. Allez, maintenant, Mathilde, c'est à toi d'officier. Alors, est-ce que le micro marche? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au domaine de la Traxène et à la cérémonie laïque du mariage de Jeanne et Marie. Maintenant, je vais laisser la place aux mariés et la cérémonie va commencer. Marie, je vous remets une boîte de mouchoirs à l'effigie de Popiette, votre chat, réalisée par Zelda. Donc, je suis Mathilde, une amie de l'île de Jeanne et Marie. J'ai d'abord rencontré Jeanne il y a 6 ans, je pense. Ensuite, j'ai rencontré Marie, après que Jeanne ait rencontré Marie. Elle est très vite devenue aussi évidente qu'elle l'était pour Jeanne à ce moment-là, dont le sourire comblé et la mine réjouie laissaient assez peu de doutes sur ce qui allait se produire après. Alors, voilà, nous sommes le 8 mars 2025, une journée pleine de promesses à bien des égards. Et je vais relier votre histoire à celle d'autres avant vous, Jeanne et Marie. Eddy Lamarr, actrice autrichienne, mais aussi et surtout chercheuse en télécommunication. Et sans elle, donc, Jeanne, près de 100 ans plus tard, n'aurait pas pu miser sur la comédie dramatique américaine préférée de Marie et lui envoyer l'irrésistible phrase d'accroche. Et si on faisait la même danse que dans Frances A, mais sur le boulevard Montebello? Et des vœux, j'étais loin d'être seule à vouloir vous en adresser aujourd'hui, donc je vais céder mon micro. C'est Pascal, la marraine de Jeanne, qui ouvre le bal. En grandissant, cette fillette s'est intéressée à beaucoup de domaines, mais n'envisageait pas de trouver un emploi lorsqu'elle sera adulte, mais de regarder la télévision toute la journée. Sa rencontre avec Marie lui a permis de s'épanouir pleinement et d'être toujours de bonne humeur. Autour de Bénédicte, la mère de Jeanne. Alors oui, Jeanne, c'est avec toi, que je suis devenue maman, ce que je souhaitais le plus au monde. Je crois qu'Arthur, tu avais raison. Ça va être dur. Michel et Germaine, les parents de Marie. Jeanne, bienvenue dans notre famille. Prenez bien soin l'une de l'autre. Nous vous souhaitons plein de bonheur. Bonne route à toutes les deux. David, le père de Jeanne. Marie, Jeanne, que ce jour d'union soit le signe d'un long parcours, fait d'éléments savoureux et rafraîchissants. Une vie que vous définirez et choisirez ensemble dans le bonheur, le succès et la volonté de profiter de l'instant présent. Tous mes vœux de bonheur. C'est maintenant à deux des sœurs de Jeanne de prendre la parole. Félicie ? Eh oui, après la rencontre, la cohabitation et quelques voyages, Jeanne et Marie se marient. Ma sœur, personne n'a jamais dit que ce serait facile, mais je serai là. Adèle. En ce qui me concerne, j'ai toujours été d'une oreille attentive concernant ta situation amoureuse, les potins. De tes premières confessions à ce jour où tu m'as dit il y a 4 ans, t'as quelqu'un toi dans ta vie ? Oui. Depuis combien de temps ? 4 mois. Ah, je t'ai battue, moi plus. Oui, on dirait pas, mais je vous assure que c'est une super grande sœur qui a toujours été un soutien et toujours là pour moi. Autour des frères de Marie. Mathieu. Tout ce que je peux vous conseiller à toutes les deux, c'est de vous écouter, de vous parler et d'avancer ensemble. J'ai confiance en vous. Je vous souhaite une longue vie amoureuse à toutes les deux, ainsi que plein de beaux projets de vie. Et pour bien commencer, une belle fête de mariage. La parole est à la Défense, visiblement. Antoine. Jeanne, tu partages la vie de Marie et tu lui apportes bonheur et soutien au quotidien. Merci. Chère Jeanne, chère Marie, longue vie à vous et votre couple. Je vous aime. Entracte, non. Place aux témoins de Marie, pour commencer avec Marion. Il y a fort fort longtemps maintenant que nos chemins se sont croisés. Mais nous sommes toujours présentes dans les vies l'une de l'autre. Amis pour la vie, c'est ce que nous sommes. Que ce soit sur les bancs de Madame Dinguin, chez ma mamie au catéchisme, à notre entreprise florissante de jeunes stylistes, Je suis fière d'être témoin de votre union et qui me paraît tellement évidente. Je suis vraiment heureuse de te voir heureuse et épanouie aux côtés de Jeanne. Big bisous, bien baveux, belle blonde. Et vive les mariés. Sarah. Je me rappelle de notre passion pour Chérie FM, qu'on mettait en voiture à chaque fois qu'on allait ensemble quelque part. Et puis maintenant, il y a aussi les souvenirs avec toi et Jeanne, quand vous venez nous voir à Bruxelles, même si je sais que c'est parfois une excuse pour venir boire de la bonne bière. Je vous souhaite évidemment beaucoup de bonheur, mais aussi des fous rires par milliers, comme celui qu'on a eu à 12 ans autour d'un feu de camp. Et pour finir, avec les témoins de Jeanne, commençons avec Eugénie. Bon, je vais pas vous mentir, la prise de parole comme ça en public et sans être passée par le vin d'honneur, c'est un peu un défi. On s'est toujours tout raconté, nos petites histoires, et on sortait du Covid, le temps était un peu suspendu. Et c'est à ce moment-là que Jeanne a commencé à me parler de toi, Marie. Au début, elle était discrète, elle prenait son temps. Mais quand Jeanne t'a présenté, j'ai su tout de suite que ce serait différent. Jeanne avait trouvé son grand amour. Et Margot. Ça fait 16 ans qu'on est amis, toi et moi. On s'est rencontrés à la Gay Pride de l'été 2009 grâce à notre amie Doriane. Ce jour-là, on s'est liés d'une forte amitié, toi, moi et d'autres femmes avec qui on a formé notre petite bande de goudou. Et Jeanne, je sais, j'ai hésité à commencer mon discours de cette manière, mais je me suis dit que ce moment de notre vie méritait d'être raconté parce qu'il fait partie de notre rencontre, de notre histoire d'amitié et qui nous a donné le droit d'être les femmes qu'on est aujourd'hui. Jeanne, Marie, je suis vraiment heureuse que vous vous soyez rencontrées et que vous vous apportiez l'amour que chacune de vous mérite amplement. C'était la dernière prise de parole pour cette cérémonie, ce qui veut dire qu'on va glisser moins dangereusement que toi sur un longboard, j'espère Jeanne, mais vers vos vœux respectifs. Et ça va être à votre tour de prendre le micro. Mon amour, devant nos amis, nos familles et leurs proches, je témoigne de l'amour que j'ai pour toi. Tous les matins, je mesure la chance que j'ai de t'avoir à mes côtés. Tu es ma partenaire de vie, celle avec qui je ris tous les jours. Vous en faites pas. Celle qui me soutient quand j'en ai besoin, celle qui accepte ma cuisine parfois carbonisée. Mais je cuisine de mieux en mieux. Je te promets de rester à tes côtés dans tous les moments, fun et pas fun, de te soutenir, de te faire rire, de te conseiller et de te câliner. Et même si Popiette comble déjà mon cœur, j'espère qu'un jour nous agrandirons notre famille. Je t'aime quand tu es près de moi. Je t'aime quand tu n'es pas là. Je t'aime quand tu souris. Je veux des souvenirs avec toi, des images avec toi, des voyages avec toi. Je t'aime. Amour, quelle ne fut pas mon émotion de te voir aussi émue et surprise lorsque je t'ai demandé de m'épouser lors d'un week-end à deux au pays du Cheddar. Tu as dit oui comme une évidence. Cette évidence, c'est celle du couple et du haut que nous sommes. Nous nous surprenons souvent de la complicité qui nous unit. Cette complicité, c'est celle de la petite famille que nous formons aujourd'hui, qui, je l'espère, s'agrandira au fil des années. Marie, tu n'es pas seulement l'amour de ma vie, mais aussi mon amie la plus proche. La personne à qui je peux tout confier et tout dire, de l'émotion forte à la bêtise la plus comique. Nos défauts se complètent plus qu'ils ne se heurtent. J'amène la patience quand tu ne peux la trouver, et tu m'aides à exprimer mes émotions quand je n'y arrive pas. Tu penses toujours être trop émotive, mais sache que pour moi, c'est une qualité et non un défaut. Tu vis les choses pleinement, c'est fort. C'est beau, et je te promets d'être là pour toi quand ces émotions deviennent trop lourdes à porter. Le mariage vient confirmer mon souhait d'être là pour toi quand tu en as besoin, mais aussi celui de continuer à être avec toi au quotidien. Car mon amour, que le quotidien est beau, joyeux et simple avec toi. J'ai envie de vivre chaque prochain jour avec ton sourire, ta tendresse et ton humour décapant. Marie, je t'aime et cet amour n'est pas prêt de disparaître. Alors, Jeanne et Marie, les pouvoirs qui me sont conférés ne sont pas évidents, puisque je suis une simple amie. Du coup, je vais vous poser une question formelle et attendue, et une question un peu moins formelle. J'ai décidé d'invoquer Céline Dion, voilà. Marie, je vais te poser deux questions. Est-ce que tu es prête à faire des bagages pour d'infinies vendanges avec Jeanne et à la prendre comme épouse ? Plus que jamais. Jeannou. Jeannou, est-ce que tu es prête à trouver des langages pour chanter d'infinies louanges à Marie et à la prendre pour épouse ? Oui. Vous êtes remariés. J'ai réussi à le faire, j'ai réussi à peu près à tenir, je pense, comme il fallait. C'est pas qu'on peut... j'ai pas profité avant, mais bon, tu sais que ça va pas forcément être facile parce que t'es dans l'émotion, tout ça. Ah, je crois que je suis... Ouais. J'ai fait que ça, que pleurer à tous les discours, voilà. Donc ça donne très envie et je leur souhaite plein de bonheur. Franchement, un discours de clôture, on n'aurait pas pu mieux faire. Bah, c'est Mathilde qui m'a placée là et merci à elle. Elle m'a donné du courage d'être là et franchement, j'ai révisé. J'espère que vous avez aimé mon discours parce que j'étais hyper stressée et j'ai tout fait pour pas avoir la larme à l'œil. J'aurais pas aimé faire des pauses et que tout le monde me regarde. Oui, oui, je suis timide. Je voulais vous dire que votre tenue était hyper belle. Essayez de pas vous tâcher parce que vous êtes en blanc quand même. Mais voilà, c'est cool. J'espère qu'un jour ça sera mon tour. Hein, et que vous serez là pour moi. Voilà, Zoubi. Alors là, c'est Noémie et Margot qui ont rattrapé les bouquets pendant que d'autres s'assurent de la bonne réputation de leurs amis. Je me souviens que, bah en fait, elles s'amusaient à faire des cascades où elles roulaient par terre. Ah oui, c'est ah génial, oui, les pirouettes ça. De Marie, oui. Pour la photo suivante, je commence l'appel parce que ça va être toute la famille de Curvemaker et je sais que vous êtes extrêmement nombreux. Oh, alors qu'est-ce qu'on vient dire ? Oui, Titi ! Oui, Titi ! Elle les aime trop. À tous pour votre collaboration et la suite du vin d'honneur à l'intérieur. Est-ce que je rafraîchis votre verre ? La moitié. Aux mariés, Marie et Jeanne. Aujourd'hui, nous allons procéder au vin d'honneur qui est très sympa aussi. Nous avons pu manger de très bonnes brochettes. Le risotto. Le risotto. Non, j'ai pas eu l'occasion. Par contre, j'ai mangé de très bonnes choses. Des soupes. Brochettes. J'ai déjà loqué, je m'excuse par avance. Il est 20h45, non ? Non, il est 20h45. C'est la même chose. En fait, faut dire à quel point le service est efficace. Ouais, grave. Ça va, toi, tu tiens le coup ? Ouais, ça va, mais je dois faire pipi. Marie, comment allez-vous ce soir ? Eh ben, je vais très très bien. C'est une belle journée, en tout cas. Je suis hyper heureuse d'avoir tout le monde. On a vu qu'il y avait plusieurs DJ différents, du coup, sur la line-up. On a la chance d'avoir des amis DJ. Et donc, on les exploite. Pas trop stressé ? C'est bon, le stress est retombé ? Là, c'est bon, ça va. Qu'avez-vous pensé des discours ? Oh là là, non mais trop émouvant. Et les petits mouchoirs avec paupiettes ? Ouais, c'était trop mignon. Merci à tous, on reprend bientôt. On va à table, on va manger. Allez, hop. C'est Fanny et Ambroise Quand on a reçu votre invitation pour ce mariage, c'était une évidence d'être présent. Pour affirmer nos convictions sur la liberté des uns et des autres, cette symbolique, ce mariage le 8 mars, journée de la lutte pour les droits des femmes, encore plus fort que le reste. Voilà, on voulait vous dire qu'on vous aime et qu'on est de tout cœur avec vous pour une longue vie. Bisous. Nous sommes ici à BAB FM 104.12. Nous sommes ici en direct avec Sarah Dufossé et Marie-Ingrid. Alors, bienvenue les filles, bienvenue à l'antenne. Alors, je pense que vous vouliez nous passer un petit message pour Jeanne et Marie, hein, ce jour particulier. Alors maintenant, je vous laisse la parole. Oui. C'est à vous. Bonjour. Maintenant. Merci Gaëlle. Voilà, avec plaisir. Merci de votre introduction. C'est un honneur pour nous d'être ici réunis aujourd'hui en ce jour si spécial du 8 mars 2025. Très spécial, c'est vrai. Très spécial parce qu'il s'agit du mariage de Jeanne et Marie. Marie et Jeanne. Marie et Jeanne, que nous aimons très très fort. Oh oui, qu'est-ce qu'on les aime. Et à qui nous souhaitons tout le bonheur du monde. Merci à tous d'être là. Ça nous fait énormément plaisir que vous soyez tous là et on se rend compte que vraiment on est très bien entourés. Voilà. J'espère que vous appréciez votre soirée. Et la fête continue. Vous déchirez, vous déchirez. Merci Marie-Ingrid, merci beaucoup. Alors, vous êtes trop belle. Oui, ok, merci Marie-Ingrid. Alors Marie-Ingrid, je pense que vous aviez un message à passer vraiment très particulier, donc je vous laisse la parole. Marie-Ingrid, à vous. Je vous aime. Ok, merci Marie-Ingrid pour ce message succinct, mais plein d'émotions. Coucou, c'est encore nous. On va demander à Jeanne et Marie de sélectionner parmi les tables 13 personnes. Les genoux cassés sont proscrits, les chevilles enflées, c'est pareil, les talons, on n'y pensait pas. C'est un jeu de rapidité, de souplesse. Donc, vous allez tous devoir chercher un objet dans la salle le plus vite possible, nous le ramener et me taper dans la main sans me la détruire, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde a son pantalon qui tient ? Je voulais dire qu'il y a quelqu'un qui triche au jeu, il a pris ma paire de chaussures pour la paire de chaussures taille 43, mais je mets du 50 et il a gagné quand même. Bon allez, ben, re-bonne soirée et tout nouveau de bonheur. Au revoir. Maintenant, peut-être Sarah Dufossé avait une annonce à faire, je pense, par rapport à Popiette. Non, pas du tout. Rien à voir, parce Gaëlle. Parce qu'on avait parlé de Popiette. Non, vous n'avez rien compris. Peut-être cachou. Alors, l'annonce que je voulais faire, c'était pour vous dire... Quelle annonce vous vouliez faire ? Alors, je voulais dire que la BAB, donc la bande à Basile... La bande à Basile, c'est ça, oui. Qui est d'origine 2006, je pense, que cette bande a été créée en 2006. Donc voilà, la BAB se réunit aujourd'hui pour faire une petite chanson en l'honneur de Marie et Jeanne. Et nous nous apprêtons à enregistrer cette chanson pour vous ce soir en direct et en exclusivité sur BAB FM. On a tous dans le cœur des appareils dentaires, des appareils dentaires pendant tout le camp d'hiver. Au collège déjà tu avais tes jeunes dentaires. La BAB chantait. Et la BAB chantait. Et la BAB chantait. Et la BAB chantait. Et voilà Marie, c'était l'étendue de nos talents de chanteur. Je vous remercie de nous avoir écoutés sur la BAB FM. Merci à la BAB pour cette soirée exceptionnelle. Merci à tous. Attends, ça enregistre encore ? Ben non. Ah si, ah merde. Alors on vous convie à avancer dans la seconde salle pour un petit diaporama. Alors, il a fallu retrouver un petit peu de matière pour faire ces petits souvenirs. Donc, tout d'abord, merci à Geneviève et Michel, qui ont dû piocher aussi dans leurs souvenirs. Et puis, merci aux amis pour les photos compromettantes. Ça sert toujours. Nous sommes en direct du local technique pour le podcast du mariage. Et c'est là où on allons recruter le plus de souvenirs possible. T'as fini ? Oui ! T'as pas mis stop ? Mais je comprends pas, il n'y a pas de 1664. Bonjour Marie, bonjour Jeanne. C'est Tonton. Tonton de Paupiette. Merci pour ces moments. Ça manque de chips, non ? Je sais pas, t'avais quand même, on avait fait en sorte que t'aies du stock à ton EVJF pour que tu puisses régaler tout le monde pour ton mariage. Mais non, mariage et pas de chips. Non, putain, j'ai chialé comme une madeleine, moi, pendant la cérémonie. Qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce que c'était touchant, tous ces témoignages de cet amour pour vous et de cet amour que vous avez l'une pour l'autre. Que ça continue. Bisous, bisous, les bisous. Salut les meufs, salut, salut. Je ne sais pas du tout quelle heure il est. Je dirais approximativement, tard de la nuit. Sachant qu'en fait, je viens de voir Marie. Je voulais juste voir son alliance, elle a du PQ plein la main. Et j'ai vu aussi des gens qui avaient les jambes lourdes, avec les pieds qui gonflent. Donc on a des gens en claquettes. La tradition dans notre famille, alors que nous n'étions absolument pas originaires des Flandres, c'était de chanter le vivat flamand pour rendre hommage aux personnes qui se marient, qui ont un anniversaire, etc. Parle on mieux, va chanter jeune, tous ensemble. Vivat, vivat, ça. Après, ce qui est bien, c'est que je trouve que c'est un peu à votre image, dans le sens où c'est toujours un peu détendu du slip, quoi. Enfin, ouais, je sais pas comment dire, mais même sans slip, quoi. Non, les mariés, vous êtes dans la mezzanine, là. Tu bois de l'eau, tu te dépêches, Marie, j'ai pas le temps. Moi, je profite quand même d'avoir le micro et que Zelda, pour une fois, se pose. Je voudrais quand même un tonnerre d'applaudissements pour Zelda, que vous entendez depuis le début de la soirée, mais qui travaille depuis 4 ans sur ce mariage, c'est-à-dire avant même que Jeanne et Marie sachent qu'elles allaient se marier. Qui s'active pour faire des boîtes de mouchoirs à l'effigie de Paupiette, qui court partout sur le timing, qui va dire non, pâte de maroilles sur cette planche de fromage pour telle table. Enfin voilà, elle est au petit soin pour tout le monde. C'est pas vrai du tout. Donc vraiment, merci Zelda pour tout ça. Merci public adoré, je vous aime. Alors, plutôt que de m'applaudir, je propose qu'on se lève, qu'on rejoigne le dance floor juste à côté. Est-ce que Rémi, tu es au dance floor ? Ouais ! On se rapproche, on choisit son partenaire et on fait une ligne. Il faut que le tunnel parte du bas des escaliers pour rejoindre la piste de danse. On compte sur vous, levez-vous. Ceux qui en ont la foi, l'envie. Et ceux qui aiment Jeanne et Marie. Ceux qui aiment Jeanne et Marie. On dit ça, on dit rien, pas d'embrouille. Alors j'ai noté, c'était important l'interview avec Chantal. Ah bon ? Ouais. Ah ben ça, une nounou, c'est important pour la vie d'un enfant. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait, là, le mariage ? Moi, ça, j'adore. Et puis, de voir les petits comme ça, c'est sûr, ça reste. Hein. Jeanne, on l'a vu pour la première fois il y a 3 semaines. C'est comme si on l'avait toujours connue. Hein. Et puis, tu ça vois qu'ils ont une complicité toutes les deux. C'est formidable. Et puis, il fallait qu'elle trouve son milieu, sa vie. Et puis, elle l'a bien trouvé. Ok, merci. Il est presque minuit. Vous avez ouvert le dance floor, là, toutes les deux, derrière le DJ Pousse avec Rémi. Vous êtes belle, vous êtes vêtue de vestes argentées, vous êtes descendue sous une haie d'honneur, comme des queens que vous êtes à l'image de cette journée. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous aime. Mais je vous aime beaucoup, genre vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Merci d'être vous, merci de vous aimer autant et merci de partager ça avec nous. Bisous. On s'est bien amusé avec le J. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je pense que ça va continuer encore et encore. Ça va être beau. Je suis trop heureuse d'être votre amie. Je vous aime énormément. Et je vous remercie aussi de m'avoir présenté Rémi. Merci pour tout. Et voilà, donc aimez-vous, aimez les autres et kiffez la life comme vous le faites maintenant. Et voilà. Voilà, je vous aime et je vous fais des gros bisous. Je suis très heureuse d'être ici ce soir pour fêter tout ça avec vous. Et que je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bisous, bisous. Alors une coupe et un club maté en même temps. Il y a Anna qui nous a fait encore des espresso martini. Bah non, mais je viens de dire espresso martini. Comment tu peux devenir tenir debout? Elle devient limite. Les DJ sets se sont enchaînés et on s'amusait tellement que tout s'est un peu décalé et c'est avec pas mal de retard que Leïla et moi avons clôturé avec notre petite sélection nommée Sexy R&B. Il y avait finalement plus tant de monde que ça. Je sais plus quelle heure il était, mais il était très tard. Et il restait plus que les irréductibles, les infatigables. Et je pense qu'avec Leïla, on les a bien couchés. Le lendemain, c'est avec finalement peu de sommeil récupérateur, mais très content qu'on s'est réveillé. Il était quelle heure ? Pas très tôt, mais c'était cool de se réveiller avec un grand soleil comme ça. Enfin, ça faisait un peu mal à la tête. Alors Michel ? Oui ? Ça se voit comme force aujourd'hui ? Comme force ? Ouais. Bah, comme un dimanche, hein. Tout dimanche, gros lundi. Ah. Bah, fatiguée mais bien dormie, ça va. Et non, on est hyper contente de la soirée, enfin de la journée. J'ai l'impression qu'il y a eu vraiment... Enfin, tout le monde s'entendait. Que des gentils. Ouais. Ça a bien dansé, hein. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Il y a ça, il faut mettre là-bas, ça, pareil. Ça, c'est au traiteur. Vous êtes une belle troupe aux côtés de ma sœur et de ma belle-sœur. Et franchement, ça fait plaisir. Voilà. C'était vraiment chouette. On est tous fatigués, mais heureux, je pense. Merci beaucoup, Jeanne et Marie. Et c'était trop chouette. Et bon, je sais pas quoi dire. Mais je vous ai déjà tout dit ce que je voulais vous dire en face. Donc, c'est juste un souvenir. Vous pouvez vous rappeler de ce que je vous ai dit en entendant ma voix à ce moment-là. Voilà, c'est fini. C'était bien, mais on doit partir. On a bien fait la fête, on s'est bien fait des câlins, on s'est bien bourré la gueule. Mais ce matin, ça pique. On est obligé de reprendre la route. Des gros bisous. On vous aime. Merci encore de nous avoir permis de vivre ces beaux moments avec nous. Et avec vous, c'est ce que je voulais dire de base. Je crois vraiment qu'il faut que j'aille me coucher. Allez, bonne nuit. C'était le mariage de Marie et Jeanne au domaine de la Traxène. Le 8 mars 2025. Je ne suis pas trompé. Je sais pas, tu me le dis en me regardant en plus, c'est ça. Je sais jamais quand même. Ouais. Allez, bisous, ciao, bye bye. Toutes nos félicitations, Marie et Jeanne, plein d'amour et de bonheur. Et un message de toute l'assemblée, c'est quand votre prochain set ? Gros bisous. Merci d'avoir écouté le podcast du mariage de Jeanne et Marie, réalisé par Popoline. Vous en voulez encore? Eh bien, ça tombe bien, parce que des cadeaux, il y en aura toute l'année. On commence avec le mois d'avril 2025. Ça stimule les globules, ça facilite la digestion. Patrice offrira des chocolats. En mai, il y a tout qui roule, il y a tout qui danse. Ça sera Noémie avec un bouquet de fleurs. Au mois de juin, il y a tout qui balance, le shaker qui va dans tous les sens. Et c'est Arthur qui paiera son apéro. Ouyouyou, ça chatouille, c'est parti le mois de juillet avec Claude et un cocktail parasol. Vous êtes super, on continue, on y va, on met la gomme pour le mois d'août avec Ophélie et la carte postale kitsch. Méga délire en septembre avec Hélène et une BD. En octobre, encore plus haut, encore plus vite, encore plus fort, un cadeau pour Coquette de la part d'Anna. Au mois de novembre, c'est Noémie qui remettra le couvert avec une raclette. Et c'est parti, let's go pour le mois de décembre, c'est Bénédicte qui offrira une déco pour le sapin. Attention, attention, départ immédiat pour l'année 2026. En janvier, c'est Juliette qui offrira un calendrier. Est-ce que vous êtes prêts? On se met dans l'ambiance pour le mois de février, c'est parti crêpe avec Antoine. Et enfin, au mois de mars, on termine en beauté avec Dorian et Annel qui offriront une bouteille de vin. Allez, bip bip, on lève les bras bien haut et vive les mariés! Allez, salut la compagnie!